38e chapitre. La dernière arrestation. Le mois d'août de l'année 1602 était arrivé, c'est-à-dire que près de 2 ans s'étaient écoulés depuis le retour de la Fontenelle de Paris. Malgré ses inquiétudes, depuis son arrestation, sa tranquillité n'avait pas été troublée. Madame de Mézarnoux avait continué de venir de temps en temps habiter avec Marie. Elle passait ordinairement tout l'été avec sa fille et ne s'en retournait chez elle qu'aux approches de l'hiver, lorsque son mari venait la chercher à Coix-d'Élan. Si les ennemis qu'avait la Fontenelle en Bretagne n'avaient fait aucune tentative pour l'inquiéter dans sa nouvelle demeure, c'est que sa réputation d'homme d'armes était trop bien établie pour que quelqu'un d'entre eux osât venir l'attaquer à main armée. D'ailleurs, la garnison de Coix-d'Élan, alors au complet, était composée de soldats aguerris et intrépides, tous gens prêts à se faire tuer jusqu'au dernier pour leur capitaine. Malgré cette apparente tranquillité, l'orage grondait au loin. De toutes parts, les haines s'étaient réveillées. Un genre d'attaque beaucoup plus sûr que celui des armes se préparait. Les plaintes et les murmures avaient recommencé, et partout des cris de vengeance se faisaient entendre. La famille, la ville Rouault, qui un moment s'était tue, insistait de nouveau auprès du Parlement de Paris pour que la Fontenelle fût arrêtée et mise en jugement. Le moment était du reste favorable et tout concourait à accabler le capitaine Ligueur. En effet, la fameuse conspiration du maréchal Biron, accusé d'avoir entretenu de secrètes intelligences avec les Espagnols, venait d'éclater. La Fontenelle, auquel on avait reproché bien des fois d'avoir songé à livrer Douarnenez à ses étrangers, fut tout à coup enveloppée dans cette affaire. Sur ces entrefaites, une foule de jeunes seigneurs, également compromis, furent arrêtés. Biron fut condamné à mort et exécuté dans l'intérieur même de la Bastille. Pendant que ces événements avaient lieu, de Brissac, lieutenant général du roi en Bretagne, reçut l'ordre de s'emparer de la Fontenelle et de le faire conduire sans aucun retard à Paris. Aussitôt cet avis, ce maréchal enjoignit à M. de Coitenizan, gouverneur de Morlaix, de se saisir de la personne du partisan en quelque lieu qu'il pût être. Voir les preuves de Don Taillandier où l'ordre donné au maréchal de Brissac est consigné. Cet ordre est daté du 16 août 1602. Coitenizan, qui savait le danger qu'il y aurait à arrêter ouvertement un homme aussi bien entouré, résolut d'avoir recours à la ruse pour s'en rendre maître. Ayant appris que depuis 2 jours la Fontenelle habitait très brillant et que, lorsque celui-ci s'y rendait, il était presque toujours sans escorte, il fit partir secrètement de Morlaix son lieutenant avec 30 soldats et leur donna ordre, pour n'éveiller aucun soupçon, de n'arriver que de nuit dans les environs. L'officier suivit ponctuellement ses instructions. Il arriva le soir, quand tout était obscur, et alla camper dans une petite clairière située à une demi-lieue de Trébriand. Le lendemain, de très bonne heure, par son ordre, 2 soldats déguisés en mendiants s'en furent rôdés autour du manoir pour voir ce qui s'y passait. À peine furent-ils en vue de Trébriand qu'ils aperçurent autour des murs de la cour plusieurs ouvriers occupés à déjeuner. Ceux-ci leur ayant fait l'aumône, la conversation s'engagea de part et d'autre. Les faux mendiants s'informèrent s'il ne leur serait pas permis d'entrer pour implorer la pitié du seigneur du lieu. Les ouvriers leur répondirent qu'ils leur conseillaient de s'éloigner et de ne pas chercher à pénétrer dans la cour parce que le châtelain, qui devait bientôt partir, était alors à table, et qu'ils seraient impitoyablement chassés ou maltraités par le concierge, homme extrêmement dur et sans pitié pour les malheureux. Les soldats, joyeux de ce qu'ils venaient d'apprendre, se hâtèrent de s'éloigner tout en examinant les alentours du château et les chemins qui y conduisaient. Après cet examen, dès qu'ils furent à une certaine distance, ils s'élancèrent au pas de course vers l'endroit où étaient cachés leurs compagnons. Le lieutenant, qui était un homme plein de finesse et de résolution, après avoir écouté attentivement le rapport de ses gens, ne douta plus que la Fontenelle ne sortît dans quelques heures pour regagner Coix-d'Élan. Immédiatement, il commanda à sa troupe de se mettre en marche et de s'approcher au plus vite de Trébriand, en évitant cependant de se montrer à découvert. C'est ainsi qu'en prenant toutes sortes de précautions, en marchant à travers les landes, les genêts et les chemins creux, ils arrivèrent le long d'un assez large sentier par lequel ils espéraient que passerait Guéder. Il était environ 9 heures du matin lorsque les soldats de la garnison de Morlaix entrèrent dans un petit bois situé sur le bord de la route. La journée était magnifique et déjà le soleil brûlant doux commençait à percer à travers l'épaisseur du feuillage. Aussitôt, le lieutenant de Coitenisant fit attacher ses chevaux à une certaine distance, dans un bas-fond, de peur que leur vue n'éveillât les soupçons de la fontenelle. Il donna ensuite l'ordre à tous ses soldats de se coucher à plat ventre derrière la haie de saules et de noisetiers qui bordait le chemin et leur défendit de se lever avant qu'il les appelât. Ayant pris toutes ces dispositions, l'officier plein d'impatience attendit 1 heure sans rien apercevoir. Un moment, il désespéra de réussir ce jour-là, pensant que la fontenelle ne se rendrait point à Croix d'Élan, mais que seulement il irait se promener dans les environs. Cependant, bientôt, il ne put s'empêcher de tressaillir en apercevant à une petite distance 2 hommes à cheval qui venaient droit sur lui. Le lieutenant devina facilement que l'un de ces individus n'était autre que ce terrible capitaine dont le nom seul était un objet d'épouvante pour la population bretonne. Aussi, malgré son courage, il faut le dire, il ne put se défendre d'une certaine émotion en voyant la fontenelle si près de lui. Dès que celui-ci fut tout à fait en vue, l'officier qui, avec intention, ne s'était revêtu d'aucun insigne militaire, s'empressa de sortir du bois et de s'avancer en avant, ayant soin de donner à son cheval l'allure paisible que prend ordinairement un bon gentilhomme campagnard, voyageant pour ses affaires ou son plaisir. Sa présence sur la route n'échappa pas à l'œil exercé de Guéder, mais elle ne lui inspira aucune défiance. En ce moment, le lieutenant se trouva en face de la fontenelle. « Monsieur, s'écria-t-il en se découvrant, pourriez-vous me dire si je suis encore bien éloigné de Trébriand ?» En prononçant ces mots, il s'avança si près du partisan que le poitrail de leurs chevaux se touchait. « Auriez-vous affaire à ce manoir ?» demanda la fontenelle d'un air soupçonneux. « Oui, monsieur, répartit le lieutenant avec force. J'ai à parler au propriétaire de ce château. En ce cas, vous vous adressez bien, dit la fontenelle en riant, car le maître de Trébriand est devant vous. Eh bien alors, dit le lieutenant en saisissant Guéder à la gorge, je vous arrête au nom du roi. Et en prononçant ces paroles, il poussa un cri perçant qui fut répété par les échos d'alentour. À cet appel, les soldats se levèrent tout à coup et se ruèrent avec rage sur la fontenelle qui était parvenue à se dégager des mains du lieutenant. Mais ce fut en vain que Guéder essaya de tirer son épée pour écarter ces hommes dont il cherchait à expliquer l'apparition soudaine, car pendant qu'ils se dégageaient d'un côté, un soldat d'une force prodigieuse s'était élancé sur la croupe de son cheval et l'avait saisi à bras-le-corps, menaçant de l'étouffer dans sa puissante étreinte. Déjà le valet qui l'accompagnait avait été entouré et garrotté étroitement. Quant à lui, il ne pouvait faire mouvoir son cheval, dont plusieurs soldats tenaient la bride. Les canons de 30 arquebuses dirigés contre sa poitrine menaçaient de faire feu. Dans cette situation critique, le sang monta au visage de la fontenelle et un tressaillement convulsif agita tout son corps. Ses traits, décomposés par la rage qui le brûlait intérieurement, devinrent effrayants. Ses yeux flamboyants, d'où jaillissaient 1000 étincelles, semblaient prêts à foudroyer les gens de Coitenisant. Ceux-ci, qui ne s'étaient jamais fait l'idée qu'un homme pût arriver à un semblable paroxysme de fureur, furent saisis à la fois d'étonnement et d'effroi. Cependant, ils ne continuèrent pas moins à coucher en joue Guéder. « Misérable traître ! Hurla celui-ci d'une voix formidable. « D'où venez-vous et que me voulez-vous » En disant ces mots de l'une de ses mains qui était libre, il exerça une pression si puissante sur le bras de l'homme qui le tenait embrassé que le soldat vaincu par la douleur poussa un cri et lâcha prise. Pendant ce temps, un des assaillants lui arrachait son épée et 6 autres, s'élançant sur lui et l'attaquant à la fois par derrière et par devant, parvenaient à le lier sur son cheval malgré sa force prodigieuse. En sentant ses efforts impuissants, la fontenelle lança un dernier regard sur l'officier et sur ses soldats. En ce moment, ses yeux étaient ceux de l'hyène à qui l'on vient d'arracher ses petits, ou bien encore c'était le tigre abattu et mourant qui rugit de fureur en voyant sa force et sa férocité inutiles, mais qui dévore de son regard de feu l'ennemi sous les coups duquel il va expirer. « Monsieur de la Fontenelle, lui dit le lieutenant, vous êtes prisonnier du gouverneur de Morlaix. C'est lui qui, par ordre du roi, m'a chargé de vous arrêter. Je vais maintenant vous conduire devant mon capitaine. Allons, enfant, en marche » commanda-t-il. Aussitôt la troupe qui était déjà à cheval s'ébranla vers Morlaix. La Fontenelle, toujours étroitement liée, fut confiée pendant la route à la garde de deux soldats.